الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Rizquhu yughni, sa subsistance enrichit. Wa qurbuhu yahmi, et sa proximité protège. Wa rahmatuhu tashfi, et sa clémence guérit. Wa nuruhu yahdi, et sa lumière guide. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyu salihi, et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, prière et salut sur lui, dit: سيأتي على أمتي زمان يحبون فيه خمسا وينسون خمسا. Il y aura une époque où les gens de ma nation aimeront cinq et oublieront cinq. أولا يحبون الدنيا وينسون الآخرة. Le premier point, ils aimeront la vie ici-bas, le monde bas ou le bas monde, et oublieront l'au-delà. Thaniyan, deuxièmement, wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-mawt wa yansawna al-mamat. Ils aimeront la vie et ils oublieront la mort. Thalithan, troisièmement, wa yuhibbuna al-qusur وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورِ. Et ils aimeront les palais, les châteaux, et oublieront les tombes, ou bien les tombeaux. رَابِعًا, quatrièmement, وَيُحِبُّونَ الْمَالِ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ. Et ils aimeront l'argent, et oublieront le jugement. Ça veut dire du jour de la résurrection. Khamisan, cinquièmement, wa yuhibbuna al-khalq, yuhibbuna al-makhluqat, wa yansawna al-khaliq. Et ils aimeront les créatures et oublieront le créateur. Sayati ala ummati zamanun yuhibbuna fihi khamsan وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون الحياة وينسون الموت يحبون القصور وينسون القبور يحبون المال ولو من طريق الحرام وينسون الحساب الحساب على هذا المال يحبون الخلق وينسون الخالق ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et bien sûr, le prophète, prière et salut sur lui, a dit la vérité, toute la vérité. في زماننا هذا, en notre époque, si أحببنا الدنيا, nous avons bien aimé le bas monde, أحببنا الحياة, nous avons bien aimé la vie, أحببنا القصور, nous avons bien aimé les palais et les bonnes habitations. أحببنا المال, nous avons aimé l'argent, les biens, la fortune. أحببنا الخلق, nous avons bien aimé les créatures. ونسينا الآخرة, et nous avons bien oublié l'au-delà. نسينا الموت, nous avons bien oublié la mort. Nassina al-qubur, nous avons bien oublié les tombes. Nassina al-hisab, nous avons bien oublié le jugement. Wa nassina al-khaliq, et le malheur, tout le malheur, nous avons bien oublié le créateur. Nassina Allah, nous avons oublié Dieu. Ya man bidunyahu ishtaghal, ô celui qui s'est occupé des biens du bas monde, قد غره طول الأمل et a été trompé par des faux espoirs. أولم يزل في غفلة, il était toujours inattentif, حتى دنا منه الأجل, jusqu'à ce que sa fin a sonné. الموت يأتي بغتة, la mort frappe par surprise. والقبر صندوق العمل, et la tombe constitue la boîte des œuvres. اصبر على أهوالها, supporte avec patience ces difficultés. لا موت إلا بالأجل, aucune mort n'arrive avant terme. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أهوالها, لا موت إلا بالأجل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم, il dit, prière et salut sur lui, من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش, يشتكي من ضيق الدنيا ومن قلة المال ومن إلى غير ذلك. Celui qui se réveille le matin en se plaignant du peu de subsistance, فَكَأَنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ, c'est comme si il se plaint de son Seigneur. وَمَنْ أَصْبَحَ لِأُمُورِ الدُّنْيَا حَزِينًا, et celui qui se réveille le matin triste à cause des problèmes nombreux de la vie ici-bas, فَقَدْ أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى اللَّهِ, ça veut dire, selon le prophète, ou bien il dit, celui-ci, c'est comme s'il se réveille en étant énervé, insatisfait de Dieu. Man asbaha wa huwa yashku dhiq al-ma'ash fa ka'annama yashku rabbah. Wa man asbaha li umuri ad-dunya hazinan faqad asbaha saqitan 'ala Allah, lam yarda bima arada Allah. سيدي أمير الأنبياء صلى الله عليك عدد نجوم السماء, maître, émir des prophètes, que les prières de Dieu soient sur toi ou pour toi au nombre des étoiles du ciel, ورمال الصحراء au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher ou bien-aimé Mohammed al-Mustafa, عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. تكلمت في الجمعة الماضية عن كيفية الزواج في الإسلام. Le vendredi passé, j'ai abordé le thème la méthode du mariage en islam. تكلمت عن الجانب النظري, j'ai abordé le côté théorique. واليوم سأتكلم عن الجانب التطبيقي أو أعطي مثالا على ذلك. Aujourd'hui je vais aborder le côté pratique. سأعطيكم اليوم ثلاث نماذج مثالية عن الزواج. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois mariages exemplaires. ولهذا فقد استضفت اليوم ثلاثة ضيوف. Raison pour laquelle j'ai invité pour aujourd'hui trois invités. سعيد بن المسيب, سعيد fils de المسيب, وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه, Omar, fils de Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, wa Thabit ibn al-Nu'man, et Thabit, fils de Nu'man. Kul wahidin sayu'atina darsan fil iman. Chacun de ces trois va nous donner une leçon dans la foi. الضيف الأول, le premier invité, سعيد بن المسيب, سعيد fils de المسيب, وهو تابعي, et il fut un successeur, ça veut dire il a vécu parmi la génération qui a suivi la génération des compagnons du prophète, prière et salut sur lui. سعيد يقول عن نفسه, سعيد dit à propos de lui-même, لم تفوتني صلاة جماعة منذ 40 سنة. Je n'ai pas raté une prière en commun, c'est-à-dire dans la mosquée, depuis 40 ans. منذ 40 سنة وهو يصلي الخمس صلوات في المسجد. قال مكحول, مكحول, un autre savant dit à propos de Saïd, طفت الأرض كلها في طلب العلم. J'ai fait le tour de la terre entière ou du monde entier pour apprendre la science ou bien le savoir. فما لقيت أعلم من سعيد ابن المسيب, et je n'ai pas rencontré plus sachant que Saïd fils de المسيب. وقال الإمام أحمد بن حنبل, et l'imam Ahmed fils de Hanbal dit, سعيد بن المسيب أفضل التابعين. Saïd fils de المسيب est le meilleur de tous les successeurs. وكان يدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. Il enseignait la science islamique au sein de la mosquée du prophète, prière et salut sur lui, à Médine. ومر بعد الدرس, une fois après son cours ou après sa leçon, تقدم إليه هشام بن إسماعيل. هشام, fils de إسماعيل, se présenta à lui. وهو عامل الخليفة على المدينة. هشام fut le gouverneur de Médine de la part, ou le gouverneur du calife sur Médine. حاملا رسالة من عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي, portant un message de la part du grand calife عبد الملك fils de مروان, le calife Umayyad, الساكن بدمشق, qui habitait à l'époque dans la capitale qui était Damas. ما هو مضمون الرسالة, quel est le contenu du message? أمير المؤمنين, l'émir des croyants, عبد الملك ابن مروان, عبد الملك fils de مروان, يخطب ابنتك ربا إلى ابنه وحبيبه وولي عهده الوليد ابن عبد الملك. Le grand calife demande la main de ta fille Rabab pour être marié avec son bien-aimé, avec son prince héritier Al-Walid, fils de Abd al-Malik. وكانت Rabab من أحسن النساء. Rabab, fille de Saïd, fut parmi les meilleures femmes de son époque. وكانت أكثرهن علما وأدبا, elle les dépassait du côté du savoir ou du côté de la politesse islamique. ماذا فعل سعيد؟ Qu'est-ce qu'il a fait سعيد؟ هل طار فرحا؟ A-t-il sauté de joie؟ سيصبح صهرا للملك, qu'il va devenir le beau-père du calife. وستصبح ابنته رباب ملكة الدنيا والسيدة الأولى في العالم. Et sa fille Rabab va devenir la reine du monde et la première dame de la terre entière. Là, non, il n'a pas fait tout cela. قرأ الآية القرآنية الكريمة, il a récité le verset coranique. قل متاع الدنيا قليل, dit, la jouissance de ce bas monde est insignifiante ou bien éphémère. وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى, et l'autre monde est bien meilleur pour celui qui est pieux. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا, vous ne subirez aucune injustice, pas même de la grosseur d'un fil. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra même si vous étiez dans des tours au perché. وقال سعيد بن المسيب لهشام. Et Saïd ibn al-Musayyib a donné cette réponse à Hisham. قل لعبد الملك الخليفة. Dis au calife عبد الملك أني أرفض هذا الزواج. Que je refuse ce mariage. كانت هذه الرسالة. Tel était le message. رسالة الملك أو الخليفة. Le message du calife. وكان هذا الجواب. Et tel était la réponse. جواب التقي الصالح. La réponse du pieux et du vertueux. قال هشام. Le gouverneur هشام. تتحمل عواقب الرفض. Tu assumes les conséquences du refus. قال سعيد. سعيد répondit. أتحمل ذلك وأكثر. J'assume ceci et même plus. لا أزوج ابنتي في دار الحكم. Je ne marie pas ma fille dans la maison du pouvoir. خشية أن آتي معها يوم القيامة. De crainte de venir avec elle le jour de la résurrection. مسلسلين بسلاسل من حديد إلى نار جهنم. De crainte de venir accompagner le jour de la résurrection avec ma fille enchaînée par des chaînes de fer vers le feu de l'enfer. وبدأ هشام الوالي والي الحاكم أو الحاكم على المدينة. بدأ هشام في التهديد والوعيد. Et Hisham commença les menaces, a donné des menaces et des avertissements à Saïd. فقال سعيد. Et Saïd répondit, والله لا أخشى إلا الله. Par Dieu, je ne crains que lui. Je ne crains que Dieu. Par Dieu, je ne crains que Dieu. وهذا هو الأصل في الإسلام. Et telle est la base en Islam. فالإسلام يمنعك أن تزوج ابنتك إلى الظالم. L'Islam t'interdit de faire marier ta fille avec un injuste, avec un tyran. أو السكير. L'Islam t'interdit de faire marier ta fille avec quelqu'un qui boit en excès l'alcool ou un ivrogne. أو صاحب المخدرات. Ou quelqu'un qui se drogue. أو صاحب الحرام. Ou quelqu'un qui pratique les interdits. Ah oui, il kafir. L'islam t'interdit de faire marier ta fille avec un non-musulman. Walaw kanu ashab amwal ta'ila. Et même si ces derniers possèdent des fortunes colossales. La tambur ila al-mal. Ne regarde pas l'argent. Wa tudayya ad-din. Et tu perds ou tu négliges à côté la religion. بنتك أمانة من الله عندك. أفي. Mon frère constitue un dépôt de la part de Dieu qu'il t'a confié. وستسأل عن الأمانة. Et tu en seras interrogé devant Dieu سبحانه وتعالى. غدا يوم القيامة. Demain le jour de la résurrection. فإياك ثم إياك من الندامة. Méfie-toi mille fois du regret. والله par Dieu le très haut. الأحسن لابنتك أن تبقى من غير زواج بدل أن تتزوج رجلا عاصيا لله تعالى وتبارك. Par Dieu le très haut, il vaut mieux pour ta fille, mon frère ou ma sœur, qu'elle reste toute sa vie sans mariage au lieu de se marier avec quelqu'un qui est pécheur désobéissant à Dieu. هذا الذي لا يخاف من الله. Cet homme pécheur qui ne craint pas Dieu. لا يخاف من القوي. Qui ne craint pas le très fort. لا يخاف من العظيم. Qui ne craint pas le très grand. فإنه يخيف. Cet homme fait peur. Il ne craint pas Dieu. Il n'apprécie pas Dieu à sa juste valeur. Donc il fait peur. فكيف تثق به. Comment tu lui fais ou tu places en lui ta confiance. وَتُعْطِيهِ إِبْنَتَكَ. Et tu lui accordes ta fille pour le mariage. أَعْمَتْكَ الدُّنْيَا. Es-tu devenu aveuglé par la vie ici-bas ? قل متاع الدنيا قليل. Dis, la jouissance de ce bas monde, les biens de ce bas monde sont insignifiants. وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Et l'autre monde est bien meilleur pour celui qui est pieux. لَا يَفْعَلْ هَذَا إِلَّا طَمَّاعٌ. الذي يعطي ابنته الذي يقطع العلاقة والرحم مع ابنته لأنه يضع في مكان حرام مع رجل من أهل الحرام لا يفعل هذا إلا طماع أو جاهل. Cet acte ne peut être commis que par un homme cupide ou un homme ignorant lorsqu'il accorde le mariage de sa fille avec un homme qui ne craint pas Dieu. في زماننا الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. À notre époque, les gens ressemblent à ce qu'a dit le messager de Dieu, prière et salut sur lui. يحبون الدنيا وينسون الآخرة. Ils aiment la vie ici-bas et oublient l'au-delà. يحبون القصور. Ils aiment les palais et les châteaux, وينسون القبور, et oublient les tombes. يحبون المال, وينسون الحساب. Ils aiment l'argent, les biens, la fortune, et oublient le jugement. يحبون الخلق, وينسون الخالق. Ils aiment les créatures, et oublient le créateur. وذهب سعيد إلى بيته. سعيد, après ce dialogue avec le gouverneur, est parti chez lui. Il a trouvé que sa fille est assise. Mada kunti taf'alina ya Rabab? Qu'est-ce que tu faisais, ô Rabab? Mada kan al-jawab? Quelle a été la réponse? Kuntu ya baba utabi'u filman gharamiyan? Oh papa, oh cher papa, j'étais en train de suivre un film d'amour. Kuntu fil hatif ma'a habibi. J'étais au téléphone avec mon chéri. Kuntu fil internet fil mawaqi' al-muharrama. J'étais devant l'internet dans des sites interdits. La, non. Qalat, elle dit. كنت أقرأ القرآن الكريم. J'étais en train de réciter le Saint Coran. كانت مع الله. Elle était avec Dieu. يا رباب. هل فهمت ما قرأتي؟ Oh رباب. As-tu compris ce que tu as lu? قالت كنت مع الآية الكريمة. J'étais en train de répéter le verset coranique. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Notre Seigneur, donne-nous dans ce bas monde un bienfait et dans l'autre un bienfait et préserve-nous du supplice du feu. وعرفت حسنة الآخرة. J'ai compris le bienfait qui se trouve dans l'au-delà. C'est le paradis, hiya al-janna. Fama hiya hasanatu ad-dunya ya abata. Ô cher père, quel est le bienfait de ce bas monde? Qala Saïd. Saïd répondit. Ya Rabab, hasanatu ad-dunya, ô Rabab, le bienfait dans ce bas monde, hiya al-zawjatu salihatu lil-rajul salih. Le bienfait dans ce bas monde, la grâce entière dans ce bas monde, est la femme vertueuse pour le mari vertueux. Saïd resta dans sa maison auprès de sa fille. Un de ses élèves pauvres lui a rendu visite. Abdullah ibn Abi Wada'a. Abdullah, fils de Abu Wada'a. Yaduhu faqira wa qalbuhu ghaniyun bil iman. Abdullah, cet élève pauvre, sa main est pauvre, mais son cœur est très riche par la foi. La rina kal qana'a. Nul enrichissement est meilleur que le contentement du peu. Wa sa'alahu Sa'id. سعيد لانتغوجا، لماذا كنت غائبا عن دروسي في المدة الأخيرة؟ Pourquoi tu étais absent à mes cours dans la dernière période؟ فأجاب التلميذ، l'élève répondit، لقد ماتت زوجتي، ma femme est décédée. فاشتغلت بتكفينها ودفنها، et je me suis occupé par ses toilettes mortuaires et par son enterrement. ودخل سعيد إلى ابنته وقال لها، سعيد entra chez sa fille pour lui dire، يا ابنتي ما رأيك في عبد الله ابن أبي وداح؟ Oh ma fille, que penses-tu؟ Quel est ton avis à propos de Abdullah, fils de Abu Wada'a؟ أترضين أن يكون لك زوجا؟ L'acceptes-tu comme mari pour toi؟ أيها الإخوة والأخوات، mes frères et mes sœurs، الإسلام يطلب منا أخذ الإذن من المرأة قبل زواجها. L'islam nous ordonne de demander l'avis de la fille avant de la faire marier avec quelqu'un. لا يوجد في الإسلام ما يسمى اليوم بالزواج القسري أو الجبري. Il n'y a pas en islam ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage forcé. الإسلام بريء منه كبراءة الذئب من قميص يوسف عليه السلام. L'islam est innocent du mariage forcé comme l'innocence du loup par rapport à la chemise de Joseph. Prière et salut sur lui. الإسلام لم يعطي الحق للأب في أن يزوج ابنته بمن لا تريد. L'islam n'a pas donné l'autorisation au père de faire marier sa fille avec quelqu'un qu'elle ne désire pas. الأب الذي يجبر ابنته ظالم. Le père qui force sa fille est un injuste, est un pharaon. والظلم ظلمات يوم القيامة. Et l'injustice dans ce bas monde deviendra des ténèbres dans l'au-delà. فقالت رباب بحياء وأدب. رباب avec politesse, avec pudeur. Cette politesse, cette pudeur qui sont inexistants aujourd'hui chez les filles des musulmans. والحياء من الإيمان. Et la pudeur fait partie de la foi. وإذا ضاع الحياء ضاع الإيمان. Et lorsque la pudeur devient absente, la foi aussi devient absente. كما يجري في زماننا, comme ce qui se passe à notre époque. البنت في زماننا تعيش مع الرجل سنتين من الحب والغرام. La fille à notre époque, lorsqu'elle atteint l'âge du mariage, passe un an ou deux d'amour avec un homme, wa fil akhir tukhbiru abaha. Et après un an ou deux, elle informe son père. Wal abu akhiru man ya'lam. Et le père est le dernier des gens à être informé. Faqalat Rabab. Rabab dit à son père, ma ra'yuka anta ya abah. Rabab dit à son père, oh mon cher père, je veux connaître ton avis d'abord. قال له هو تقي مؤمن. Il lui dit, il s'agit d'un homme croyant et pieux. قالت له, elle lui dit, لقد اخترته على بركة الله ورسوله. Je l'ai choisi au nom de la bénédiction de Dieu et de son messager. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. Si quelqu'un se présente à vous, c'est-à-dire pour le mariage avec votre fille, et vous êtes satisfait de sa religion et son comportement, faites-le marier. Illa taf'alu takum fitnatun fil ard. Hadhihi fitna allati nara al'an. Takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Sinon, il y aura une grande discorde sur la terre et une grande corruption. C'est ce qu'on voit actuellement. Wa kharaja Sa'id ila tilmidihi Abdullah. Et Sa'id est sorti vers son élève Abdullah. Wa qala lahu. Et il lui dit, ألك في الزواج désires-tu te marier؟ فقالت عبد الله répondit, ومن التي ترضى بي زوجا يا سعيد وأنا فقير؟ Et qui est celle-ci qui m'accepte pour être son mari؟ Moi, le grand pauvre. فقال سعيد. سعيد lui dit, إن كنت موافقا, si tu es d'accord, فإني أزوجك ابنتي رباط. Je vais te faire marier avec ma fille Rabab. كان الأب يخطب الرجل الصالح لابنته. À l'époque, l'homme demandait, ou le père demandait à l'homme vertueux pour qu'il se marie avec sa fille. ما هذا يا سعيد؟ Qu'est-ce qu'on voit au Saïd? Tu nous étonnes. Rabab, التي رفضت لابن الخليفة. Rabab, que tu as refusé pour le prince héritier, pour le fils du calife, Wali al-Ahd, Al-Walid ibn Abd al-Malik, que tu as refusé à faire marier avec Al-Walid, fils de Abd al-Malik. Rabab, تزوجها لشاب فقير. Rabab, tu vas la faire marier avec un jeune pauvre. بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ دِرْهَمَيْنِ. Avec une dot égale à 2 dirhams. قال سعيد. سعيد dit, اذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vas-y et cherche-moi 2 compagnons du prophète, prière et salut sur lui, liyashhada ala aqd az-zawaj, afin qu'ils témoignent pour l'acte du mariage. Wa ba'd al-aqd, après le contrat, yaqulu sa'id li 'abdillah. Sa'id dit à Abdullah, اذهب واعد الغرفه. Vas-y et prépare la chambre. لم يشترط عليه 5 ملايين في الصداق. Il n'a pas imposé, il n'a pas exigé 5 millions, 5 000 ou 50 000 dans la dot. Voilà Sayyara Fakhma, ni une voiture de luxe. Voilà Firash Wafir, ni un meuble de luxe. Voilà Hizaman Zahabiyan, ni une ceinture en or. Comme ce qu'on fait maintenant. Ishtarat al-Iman. Il a exigé uniquement la foi et la piété. Mu'min taqi, un croyant pieux. لأن الإيمان زائد التقوى يساوي بركات إلهية من السماء والأرض. Parce que la foi ajoutée à la piété sont égales à des bénédictions divines descendant du ciel et montant de la terre. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les habitants des cités avaient cru et craint pieusement Dieu, nous aurions ouvert sur eux les vannes de notre bénédiction à partir du ciel et de la terre. Wa fil layl, à l'arrivée de la nuit, taraqa Sa'idun al-bab ala Abdillah ibn Abi Wada'a. Sa'id toqa la porte de Abdullah, fils de Abu Wada'a. Faqala man al-tariq, de l'intérieur il dit, qui est-ce? فأجاب سعيد. Il a répondu, سعيد. قال, ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ Qu'est-ce qui t'a fait venir à cette heure-ci? وتساءل. Abdullah, l'élève s'interrogea. هل ندم على الزواج? A-t-il regretté le mariage? Il est revenu dans sa parole. قال سعيد. سعيد lui dit, افتح يا عبد الله. Ouvre, ô Abdullah. وفتح الباب. Il ouvrit la porte. فوجد سعيدا وابنته وراءه. Il a rencontré devant la porte سعيد et derrière lui sa fille. وقال لها سعيد. سعيد lui dit, ادخلي يا ابنتي. Vas-y, entre ma fille. بارك الله لكما في ليلتكما. Que Dieu vous bénisse votre nuit. وأعطاه 5000 dinars. Et lui a donné 5000 dinars. L'élève a donné dans la dot 2 dirhams et le père lui a donné 5000 dinars. On saraf et il est parti. وَيَبْقَى عَبْدُ اللَّهِ مَعَ رَبَابٍ. Et Abdullah resta seul avec Rabab. مِنْ غَيْرِ تَقَالِيدِ جَاهِلِيَّ وَلَا تَعْقِيدَاتٍ. Sans la présence de traditions pré-islamiques ni complications qu'on connaît nous à notre époque. هذه التعقيدات التي جعلت الزواج مستحيلا في عصرنا. Ces complications qui ont rendu le mariage impossible à notre époque. ودفعت الشباب إلى الحرام. Ces complications qui ont poussé les jeunes vers l'interdit. يقول عبد الله. عبد الله dit, وبعد الزواج برباب, après le mariage avec Rabab, لم أذهب إلى درس سعيد. Je ne suis plus parti vers le cours de Saïd, لأني وجدت عندها علم سعيد كله. Parce que j'ai trouvé auprès d'elle toute la science de Saïd. وهنا أشكر باسمكم ضيفنا الأول سعيدا. Là, à votre nom, je remercie le premier invité سعيد. وابنته لأنهما علمانا درسا عمليا في الإيمان والحياة الإسلامية. سعيد et sa fille qui nous ont donné une leçon pratique dans la foi et la vie islamique. حياة البساطة والتيسير. La vie de la simplicité et la facilité. وأقول لهما, et je leur dis, رضي الله عنكما يا سعيد ويا رباب في الدنيا والآخرة. Que Dieu soit satisfait de vous, ô Saïd, ô Rabab, dans cette vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. وأمر الآن إلى الضيف الثاني. Je passe maintenant vers le deuxième invité. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. L'émir des croyants Omar, que Dieu soit satisfait de lui. الذي ملأ الأرض عدلا وحقا. L'émir qui a rempli la terre par l'équité et le droit. ها هو يمشي بالليل في شوارع وأزقة المدينة المنورة. Le voici maintenant marcher pendant la nuit dans les rues et les boulevards de Médine. من غير حرس كعادته. Sans la présence de garde-corps ou de gardien comme son habitude. نام الناس على أسرتهم الدافئة. Les gens étaient en train de dormir sur leur lit très chaud. وهو يتجول في برودة الليل. Et lui est en train de faire ses rotations nocturnes dans le froid de la nuit. لماذا هذه الجولات الليلية؟ Ô Omar, pourquoi toutes ces tournées et rotations nocturnes? لماذا لا يستريح كالناس؟ Pourquoi ne se repose-t-il pas comme les gens? الجواب, la réponse, لأنه أمير المؤمنين. Parce qu'il est l'émir des croyants. بمعنى مسؤول أمام الله. Ça veut dire responsable de tout le monde devant Dieu. سيسأله الله عن أفراد الشعب واحدا واحدا. Il sera interrogé de la part de Dieu à propos des membres de son peuple, de ses sujets, un par un. إنها مسؤولية وأمانة. Il s'agit d'une responsabilité et d'un dépôt confié. وغدا يوم القيامة خزي وندامة. Et demain, le jour dernier, ça va être un regret et une humiliation. إنها تكليف وليس التشريف. Il s'agit d'une responsabilité et non pas d'une honorabilité. لهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتجول في الليل. Pour cette raison, Omar faisait ses tournées nocturnes. ربما يجد جائعا. Peut-être qu'il va rencontrer un affamé. ربما يجد مسافرا. Peut-être qu'il va rencontrer un voyageur qui ne sait pas où dormir. ربما يجد من لا ملجأ له. Peut-être va-t-il rencontrer quelqu'un sans abri. ربما يجد مظلوما. Peut-être va-t-il rencontrer un opprimé ou une victime d'injustice. وفي آخر الليل لم يجد أحدا. À la fin de la nuit, vers la fin de la nuit, il n'a trouvé personne. جلس أمام بيت. Il s'assit devant une maison pour se reposer. يستريح. ينتظر صلاة الفجر pour attendre la prière de l'aube. وإذا به يسمع حوارا يدور بين اثنين داخل البيت. Et soudain, il a entendu un dialogue qui a eu lieu entre deux personnes à l'intérieur de la maison. Ummun wa ibnatuha, une mère avec sa fille. قالت الأم, la mère disait, أضيف الماء في اللبن. زيد الماء في الحليب. أضيف الماء في اللبن. Ajoute l'eau dans le lait. وكانت تعيشان من بيع اللبن. Les deux vivaient grâce à la vente du lait. أجابت البنت. La fille répondit, لا يا أمّا, non, ô ma chère mère. قالت الأم, la mère dit, ولماذا يا ابنتي, et pourquoi ma fille? قالت البنت لفي دي لان امير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى عن ذلك parce que l'émir des croyants Omar fils de Khattab a interdit cette pratique wa Omar yasma et Omar entendait. قالت الام la mère dit ان امير المؤمنين لا يرانا l'émir des croyants ne peut pas nous voir ou n'est pas en train de nous voir. قالت البنت la fille rétorqua إن لم يكن أمير المؤمنين يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. Si l'émir des croyants ne nous voit pas, le seigneur de l'émir est en train de nous voir. وهنا بكى عمر. Et là Omar pleura. لقد أعجبته تقوى هذه الفتاة. La piété de cette fille lui plut. Non pas la couleur de ses cheveux ou la couleur de ses yeux, il a vu la couleur de sa piété. لم يعجبه لون شعرها ولا لون عينيها ولكن الذي أعجبه لون تقواها بائعة الحليب la vendeuse du lait. ماذا فعل؟ Qu'est-ce qu'il a fait؟ بعد صلاة الفجر après la prière de l'aube أمر ولده عاصما أن يتزوجها. Il a ordonné à son fils Asem de se marier avec elle. هل رأى عمر جمالها؟ عمر a-t-il vu sa beauté؟ هل رأى شعرها؟ a-t-il vu ses cheveux؟ هل رأى لون عينيها؟ هل رأى قدها وجسمها؟ a-t-il vu sa taille et son corps؟ لم يرى كل هذا كان بينه وبينها الحائط. Il n'a rien vu de tout cela parce que entre lui et elle il y avait le mur. رأى شيئا واحدا. Il a vu une seule chose. رأى الشيء المهم. Il a vu la chose la plus importante. تقوى الله والإيمان. Il a vu la piété de Dieu et la foi. لم ينظر للمظاهر الخداعة. Il n'a pas vu l'aspect trompeur. بل طبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم plutôt il a pratiqué le message du prophète prière et sa sur lui تنكح المرأة لأربع la femme se marie pour quatre raisons لمالها ولحسبها ولجمالها pour sa richesse pour sa noblesse et pour sa beauté ولدينها ou bien pour sa religion فاظفر بذات الدين تربت يدك choisis la religieuse que Dieu t'enrichisse متفق عليه. هل تزوج ابن الأمير بأميرة أو بنت وزير؟ Est-ce que le fils de l'émir s'est marié avec une princesse ou la fille d'un ministre؟ ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. Le fils de l'émir des croyants Omar fils de الخطاب يتزوج بامرأة فقيرة. Se marie avec une femme pauvre. يدها فقيرة وقلبها غني. Sa main fut pauvre, mais son cœur fut riche par la foi. بائعة الحليب في المدينة, la vendeuse du lait à Médine, كما قلت يدها فقيرة وقلبها غني بالإيمان والآن الأيادي غنية والقلوب فقيرة. Mais maintenant, les mains sont riches, sont devenues riches et les cœurs sont devenus pauvres. الإيمان غائب, la foi est absente. ومن هذا الزواج المبارك, et à partir de ce mariage béni, تولد الفتاة المباركة أم عاصم. Il y a eu la naissance de la fille bénie أم عاصم, ويتزوجها الأمير الأموي عبد العزيز ابن مروان, et aura comme mari l'émir Umayyad عبد العزيز fils de Marwan. فيولد خامس الخلفاء الراشدين et il y aura à partir de ce mariage la naissance du cinquième calife orthodoxe Omar ibn Abd al-Aziz, Omar fils de Abd al-Aziz رضي الله عنه سمي عمرا كجد أمه عمر بن الخطاب. On l'a nommé Omar comme le nom de son du grand-père de sa maman Omar fils de Khattab. فملأ الأرض عدلا وحقا كما ملأها جد أمه. Et Omar fils de Abd al-Aziz a rempli de nouveau la terre par l'équité et le droit comme a fait son grand-père. وهنا أشكر ضيفنا الثاني عمر بن الخطاب وأقول اللهم ارضى عن عمر والعائلة العمرية. Et là je remercie notre deuxième invité Omar fils de Khattab et je dis au notre Seigneur sois satisfait de Omar et de la famille Omaric. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu. أمر إلى الضيف الثالث. Je passe maintenant vers le troisième invité, ثابت ابن النعمان. ثابت fils de النعمان. وهو يمشي سنة 80 للهجرة pendant qu'il marchait en l'an 80 de l'Hégire. يمشي في الكوفة بالعراق. Il marchait dans la ville de الكوفة en Irak. وجد تفاحة بجانب بستان. Il a trouvé une pomme à côté d'un parc. وكان جائعا. Il avait vraiment faim parce qu'il fut un pauvre. كان فقيرا. فأكل نصفها. Il a mangé la moitié, ثم ندم. Et par la suite, il a regretté pourquoi il a mangé la moitié. وبحث عن صاحب البستان. Il a cherché le propriétaire du parc. وقال له, il lui dit, أكلت نصف تفاحة من بستانك. J'ai mangé la moitié d'une pomme de ton parc. وها هو النصف الثاني. Et voici la deuxième partie. La deuxième moitié. جئتك به لتسامحني. Je suis venu vers toi pour que tu me pardonnes. فقال صاحب البستان. Le propriétaire lui dit, أسامحك بشرط واحد. Je te pardonne avec une seule condition. تتزوج ابنتي. Tu te maries avec ma fille. أحس فيه تقوى الله. Il a senti en lui la piété de Dieu. فخطبه لابنتي. Et il l'a demandé pour sa fille. رغم أنه فقير. Malgré qu'il fût un pauvre. قال تعالى عن الزواج. Dieu dit à propos du mariage, إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. S'ils sont des pauvres, Dieu les enrichit de sa grâce. يقول له تتزوج ابنتي. Tu te maries avec ma fille. ولكنها عمياء العينين. Mais attention, elle est aveugle. صماء الأذنين. Elle est sourde. بكماء اللسان. Elle est muette. Elle est paralysée, elle ne marche pas. Tu veux que je te pardonne? Voilà la condition. Et Thabet réfléchit. Et à la fin, il dit, je l'accepte comme femme afin que Dieu ne me punisse pas demain, le jour de la résurrection, à cause de la moitié d'une pomme. من أجل نصف تفاحة. الناس تأكل ملايين والمليارات ولا تخاف من الله. Des gens aujourd'hui mangent pas la moitié d'une pomme. Des millions, des milliers, des milliards. هذا هو الإيمان. Telle est la foi. Telle est la crainte de Dieu. هذا هو الخوف من الله. وبعد عقد الزواج, après la conclusion du contrat de mariage, وبعد صلاة العشاء, et après la prière de l'عشاء, دخل عندها, il entra chez sa femme, وألقى السلام, et a annoncé les salutations, السلام عليكم ورحمة الله, عالما, sachant que, أنها لا تسمع, sachant qu'elle est sourde, ولا ترى, elle est aveugle, ولا تتكلم, elle est muette, ولا تقوم, elle est paralysée, مصيبة, une catastrophe. ولكن إذا لم ترد سلامه فالملائكة سترد عليه السلام. Mais si sa femme est incapable de répondre à ses salutations, les anges vont répondre à ses salutations. وتفاجأ ثابت. ثابت fut surpris. لقد ردت عليه السلام. Elle a répondu à ses salutations. وقامت. Elle se leva. وسلمت عليه بيدها. Et le salua avec sa main. بمعنى ترى. Ça veut dire elle voit, وتسمع, et longtemps, وتتكلم, elle parle, وتمشي, et même marche. ونظر ثابت إليها, et ثابت la regarda, فوجدها أجمل من القمر. Elle l'a trouvée plus belle que la lune. منذ قليل كان عنده مشكل لا حل له مصيبة من المصائب. Depuis peu, il portait un malheur, une catastrophe. Il avait un grand problème insoluble. ولكن الإيمان يصنع العجائب. Mais la foi accomplit des merveilles. والثقة بالله تحل كل المشاكل. مشاكل. Et la confiance en Dieu résout tous les problèmes. قال تعالى Dieu le Très-Haut dit ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Quiconque craint pieusement Dieu, Dieu lui aménage une issue. ويرزقه من حيث لا يحتسب. Et lui accorde ses biens d'où il ne s'y attend pas. قال لها ماذا قال أبوك عنك. Thabeth lui dit mais qu'est-ce que ton père a dit à ton propos. Il m'a raconté des choses bizarres. قالت والله ما كذب أبي. Elle répondit par Dieu mon père n'a pas menti. إنني عمياء لأنني لا أنظر ما يغضب الله. Je suis aveugle parce que je ne vois pas les choses qui déplaisent à Dieu, qui rendent Dieu en colère. وصماء لا أسمع ما يغضب الله. Et je suis sourde. Je n'entends pas les choses qui déplaisent à Dieu. بكماء je suis muette. لا أقول إلا ما يرضي الله. Je ne dis que les choses qui plaisent à Dieu. مقعدة paralysée. لا أمشي إلا إلى ما يرضي الله. Je ne marche que vers les endroits qui plaisent à Dieu. فقال ثابت فقال فصلى ثابت ركعتين شكرا لله. ثابت fit deux prières, deux unités de prière pour remercier Dieu. وقال اللهم بارك لي فيها. Et a dit ô mon Seigneur, bénis pour moi ce mariage. ثابت رجل مؤمن تقي. ثابت fut un homme croyant pieux. فأعطاه الله امرأة مؤمنة تقية. Et Dieu lui a accordé une femme croyante et pieuse. كما قال تعالى comme Dieu l'a dit dans un verset coranique والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Les vertueux ou les vertueuses aux vertueux et les vertueux aux vertueuses. وأعطاهم الله من هذا الزواج المبارك. Et Dieu leur a donné à partir de ce mariage béni طفلا طيبا un enfant, un fils béni ou vertueux. إنه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. Leur fils deviendra le grand imam أبو حنيفة fils de النعمان fils de النعمان. صاحب المذهب الحنفي le maître de l'école حنفيت أبو حنيفة مكث 40 سنة وليس ليلة يصلي الصبح بوضوء العشاء. أبو حنيفة qui à la fin de sa vie il va passer 40 ans pas 40 nuits 40 ans à faire la prière de l'aube en gardant les ablutions du soir de l'Isha. بمعنى لا ينام. Ça veut dire 40 ans il n'a pas connu le sommeil. ماذا يفعل. Qu'est-ce qu'il faisait. L'internet. يصلي بالليل ويقرأ القرآن. Il priait la nuit et récitait le Coran. ويبكي حتى يرحمه جيرانه. Et pleurait jusqu'à ce que ses voisins eurent pitié pour lui. وختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 70,000 مرة. Et il a fini, il a bouclé le Coran dans le lieu où il allait mourir 70,000 fois. وهنا أقول لضيفنا الثالث. Là je dis à notre troisième invité d'aujourd'hui, يا ثابت, ô ثابت, رضي الله عنك, que Dieu soit satisfait de toi, وعلى زوجتك, et sur ta femme, وابنك أبي حنيفة, et sur ton fils أبو حنيفة, أخي, أختي, frère, sœur, أرأيتم كيف كان الزواج سهلا مهلا في القرن الأول من الإسلام. Avez-vous vu comment le mariage était facile, était simple dans le premier siècle de l'Islam. أرأيتم كيف جعلناه صعبا ومستحيلا في زماننا؟ Avez-vous vu comment on a rendu le mariage, l'adoration de Dieu qui est le mariage, on l'a rendu difficile et presque impossible à notre époque, بعد 14 قرنا seulement après 14 siècles. فعلينا بالعودة بالزواج إلى يسر الإسلام. On doit tous faire revenir le mariage vers la simplicité et la facilité de l'islam, مستفيدين من هذه النماذج المثالية التي رأيناها اليوم, en profitant de ces mariages exemplaires qu'on a vu aujourd'hui. وفق الله جميع الشباب. Que Dieu aide tous les jeunes. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأخرج أولادنا وبناتنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب نسألك اليوم شيئا واحدا, يا رب اهد أولادنا واهد بناتنا. اللهم كما أتيت بنا طائعين سامعين لبيتك, اللهم ائت بأولادنا وبناتنا لبيتك. اللهم إنك القوي الذي لا يغلب, اللهم أرنا قدرتك في هداية أولادنا وبناتنا. اللهم اهد أولادنا وبناتنا. اللهم زين لهم الإيمان والإسلام وكره لهم الفسوق والعصيان. اللهم اهدهم للزواج. اللهم امنعهم واحفظهم من الحرام. اللهم احفظهم من الزنا. اللهم احفظهم من أولاد وبنات الزنا. اللهم اجعلهم لك. اللهم اجعلهم من الموحدين, من الصالحين, من الأتقياء ومن عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أفرحنا بأولادنا وبناتنا. اللهم لا تجعل فتنتنا في أولادنا ولا في بناتنا. اللهم أفرحنا دنيا وآخرة بأولادنا وبناتنا. اللهم كما جمعت بيننا وبينهم برابطة الأبوة والأمومة فلا تفرق غدا بيننا وبينهم. اللهم اجمعنا معهم غدا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.